j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Y'a cet homme qui juge sans connaître la personne. Y'a cet homme qui juge sans être une bonne personne. Y'a cet homme qui dit alors qu'il ne sait rien. Y'a cet homme qui prédit un meilleur climat pour demain. Y'a cet homme qui préfère tuer que de faire naître. Y'a cet homme qui cherche la merde et quand il la trouve regrette. Y'a cet homme qui mange à sa faim en offrant à peine ses miettes. Y'a cet homme qui pollue demain, y'a plus d'hommes sur la planète. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Plus je connais l'homme, plus j'aime en juin, car lui seul m'aimait bien. Y'a cet homme qui gère son entreprise comme ses deux enfants. Impôts et règlements qui fuient pour une histoire d'argent. Si tous les riches partageaient aux pauvres, ça ira mieux tellement. Mais bon, l'homme est con, égoïste, radin et fainéant. Depuis bientôt 10 ans que je fume tellement de joints par jour. Même si ça me fait du bien, même si mon portefeuille court. J'ai perdu tellement d'argent dans les drogues. Et sans drogue, j'aurais quand même perdu mon argent dans autre chose. Je ne déconne, faut peser le pour et le contre de la fumette. Ça peut te faire plus de bien ou plus de mal, clair et net. Ça dépend de ton métabolisme et de ta vie. Ça peut servir à certains mais desservir à d'autres aussi. Je le vois bien au départ, ça m'a servi. J'étais bien plus ouvert aux autres, bien plus ouvert d'esprit. Puis dans des événements tragiques, tu t'isoles, t'en as assez. Et se droguer devient cercle vicieux, donc autant de jamais commencer. J'ai appris à vivre avec maintenant, et j'en suis content. C'est une autre vie, un autre réel. J'en suis bien conscient. Je mourrais d'un problème cardiaque, d'un cancer ou d'une tumeur. Mais en attendant, je vis heureux car à la fin de façon tu meurs. Certains plus vite que d'autres, c'est sûr, oui. Mais aucune science peut connaître notre réelle espérance de vie. J'ai autant de chances de mourir jeune sans avoir fumé de ma vie qu'autant de chances de mourir vieux en ayant fumé toute ma vie. Avez-vous vu dans quelle époque on vit? Je ne peux même plus sortir dehors sans qu'on me parle de Covid. Alors je m'enferme dans ma chambre, je m'endors passif mais pas si vite. Je fume un joint et mes rêves en deviendront vite pacifiques. Ça me fait du bien, ça m'équilibre sur la journée. Je suis quelqu'un d'à part mais beaucoup me ressemblent. Je veux juste cette vie où l'on taffe bien payé pour se payer. De quoi se loger, se nourrir, se faire plaisir et pouvoir fumer en paix. Quand je me regarde dans la glace, je me rappelle de ce que j'ai vécu. J'ai jamais su trouver ma place, je sais pas l'image que je véhicule. Quand je me regarde dans la glace, je vois un homme capable de beaucoup de choses. Malgré ses maladies, ses addictions, ses maladies, ses malédictions. Presque bipolaire, d'humeur à rigoler à une humeur de dépression. Je vois aussi des tas de projets non réalisés, par la peur, par la flemme et les problèmes financiers. Je vois aussi des tas de rêves abandonnés, par la mort, par la même chose qui te pousse à consommer. Vivre dans la frustration, dans cette addiction. Je ne veux sortir de cette prison, la liberté est agression. La réalité me fait l'illusion que je ne suis pas bien sans ma potion. Rester à la maison tranquillement avec mon pilon. Mais je cherche bénédiction car la drogue me rend moins bon. Mais sans elle tout est pression, avec elle tout est tension. Mais je cherche bénédiction car la drogue me rend moins bon. Mais sans elle tout est pression, avec elle tout est tension. Le mal-être, le malaise, mal à l'aise à la tête. Je crois que dans ma tête on est que deux. Le mal-être, le malaise, mal à l'aise à la tête. Je crois que dans ma tête on est que deux. On va faire vite, en gros sommaire. Tant y'a Romain gentil, c'est décupé méchant. Ça peut servir à certains, mais desservir à d'autres aussi. Avez-vous vu dans quelle époque on vit? avec mon joint que je me balade. Je fais pas trop gueule, je suis